Section 12 de Le Loup Blanc par Paul Féval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 18, chapitre 19, chapitre 20. Chapitre 18, rêve. Lorsque Jude, après avoir traversé les longs corridors, revint à la chambre où il avait passé la nuit, le capitaine dormait encore. Son visage était calme et souriant. Jude le contempla un instant. « C'est un loyal jeune homme, » pensa-t-il. « C'est très hardi, me rappelle le vieux Tremble, au temps où sa moustache était noire. Il est heureux, lui. Oh, que je donnerais de bon cœur tout mon sang pour voir M. Georges à sa place. » Jude reprit son manteau de voyage pour cacher ses traits en cas de rencontre suspecte. Le jour était venu, les premiers rayons du soleil levant se jouaient dans la soie des rideaux. Au moment où Jude saignait son épée pour partir, Didier s'agita sur sa couche. « Alix, murmura-t-il, ma sœur. Voici dans la cour tous les serviteurs du château, se dit Jude. J'aurai de la peine à passer inaperçu. « Marie, murmura encore Didier. Jude le regarda en souriant. « Bravo, mon jeune maître, pensa-t-il. Ne rêverez-vous point à quelque autre maintenant ?»« Fleur déjeuner, cria le capitaine, comme s'il eût voulu relever le défi. En même temps, il se redressa éveillé sur son séant. « C'est toi, ami Jude ? » reprit-il, après avoir jeté ses regards tout autour de la chambre, comme s'il se fût attendu à voir un autre visage. « Je crois que je rêvais. »« Vous pouvez l'affirmer, monsieur, et joyeusement, » répondit Jude. L'œil de Didier s'arrêta par hasard sur les antiques rideaux que perçaient les rayons obliques du soleil. Son sourire, qui ne l'avait point abandonné, s'épanouit davantage. « Les poètes ont bien raison, » dit-il, comme s'il se fût parlé à lui-même, de vanter les joies du retour au toit paternel. « Moi qui n'ai point de famille, je ressens ici comme un avant-goût de ce bonheur. Et tiens, Jude, mon garçon, l'illusion s'accroît. Il me semble qu'enfant, j'ai vu jouer le soleil d'automne dans des rideaux de soie comme ceci. Sentiment étrange, Jude. Enfant sans père, j'éprouve ici comme un ressouvenir lointain de baisers, de caresses et de douces paroles. Monsieur, interrompit le vieil écuyer, « je vais prendre congé de vous pour commencer ma tâche. Reste, Jude, quelques minutes, un instant, je t'en prie. Mon cœur s'amollit au contact de pensées nouvelles. Je ne sais, Jude, mes yeux ont besoin de pleurer. Souffrez-vous donc ? » fit celui-ci en s'approchant aussitôt. Didier laissa tomber sa main dans celle du vieillard et renversa sa tête sur l'oreiller. « Non, répondit-il, je ne souffre pas. Au contraire, je ne voudrais point ne pas éprouver ce que j'éprouve, car cette angoisse inconnue est pleine de douceur. Qu'ils sont heureux, Jude, ceux qui ont de vrais souvenirs. » « Cela, répliqua l'écuyer avec tristesse, ne revoit parfois jamais la maison des ancêtres. Ce doit être une amère douleur, n'est-ce pas, que celle de l'enfant qui se souvient à demi et qui meurt avant d'avoir retrouvé la maison de son père. Tu penses à Georges Tremble, mon pauvre Jude. Je pense à Georges Tremble, monsieur. Toujours. « Dieu t'aidera, mon garçon, car ton dévouement est œuvre chrétienne. Allons, voici un nuage qui couvre le soleil. Le charme s'évanouit. Je redeviens le capitaine Didier et je suis prêt à jurer maintenant que j'ai vu enfant plus de rideaux de bure que de tentures de soie. Va, mon garçon, je ne te retiens plus. » Didier, secouant un reste de langueur rêveuse, avait sauté hors de son lit. Jude, avant de partir, jeta un regard dans la cour et reconnut maître Alain, qui s'entretenait avec la pierre. « Il est bien tard maintenant, dit-il, pour m'esquiver. Je vois là-bas un homme dont j'aurai de la peine à éviter les regards. « Lequel ? » demanda Didier en s'approchant de la fenêtre. « La pierre ? » « Je ne sais s'il a changé de nom, mais on l'appelait de mon temps maître Alain. C'est le plus vieux des deux. « À la bonne heure. Et c'est celui-là que tu nommais hier ton ennemi ? » « Celui-là même. Eh bien, mon garçon, l'autre est le mien. « Un valet, votre ennemi ? » « Cela t'étonne ? Faut-il donc te répéter que je ne suis point gentilhomme ? Ce valet est le seul être au monde qui sache le secret de ma naissance. Il ne veut pas le dire, et c'est son droit. Il prétend m'avoir autrefois servi de père. Tu vois bien ceci ?» Didier, qui n'était pas encore vêtu, écarta sa chemise et montra par derrière, à la naissance de l'épaule, une cicatrice encore récente. « C'est une blessure faite traîtreusement et par la main d'un misérable, » dit Jude en fronçant le sourcil. « Tu t'y connais, mon garçon. J'ai tout lieu de croire que le misérable est cet homme. Mais si je ne suis pas noble, je suis soldat, et ma main ne s'abaissera point volontiers jusqu'à lui. Moi, je suis un valet, dit Jude avec froideur. Prononcez un mot et je le châtie. Voilà que tu oublies Georges Tremble, s'écria Didier en souriant. Sur mon honneur, il y a de la fine fleur de chevalerie dans ces vieux cœurs bretons. Pensons à ton jeune monsieur, mon brave ami. Je ne sais pas ce que tu peux tenter pour son service, c'est ton secret. Mais j'ai promis de t'aider, je t'aiderai. Descendons ensemble. Monsieur de Vaunoy est un trop soumis et dévoué sujet de sa majesté pour que sa livrée ose regarder de plus près qu'il ne convient le serviteur d'un capitaine de la maréchaussée. Jude mit son manteau sur sa figure et descendit avec le capitaine. Alain et Lapierre étaient toujours dans la cour. Ils s'inclinèrent avec respect devant Didier, qui toucha négligemment son feutre. « Conseille le cheval de mon serviteur, » dit-il. Lapierre se hâta d'obéir. Le majordome resta. « Mon camarade, » dit-il à Jude, « votre maladie exige-t-elle donc que vous ayez toujours le nez dans le manteau ? Les gens de la Tremblay n'ont point pu encore vous souhaiter la bienvenue. « Que dit-on des loups dans le pays, maître ?» demanda Didier pour éviter à Jude l'embarras de répondre. « On dit que ce sont des méchantes bêtes, monsieur le capitaine. N'accepterez-vous pas un verre de cidre, mon camarade ?»« Que font les gens de la forêt ?» demanda encore Didier. « Monsieur le capitaine, » répondit Alain de mauvaise grâce, « ils font le cercle du charbon et des sabots. Eh bien, mon camarade, » ajouta-t-il en exhibant son vademecum, c'est-à-dire sa bouteille de fer blanc, « aimez-vous mieux une goutte d'eau-de-vie ?» Maître Alain fut interrompu par la pierre, qui amenait le cheval de Jude. Celui-ci se mit aussitôt en selle. Dans le mouvement qu'il fit pour cela, son manteau s'écarta quelque peu. Le majordome put voir une partie de son visage. « Du diable, si je connais autre chose que cette figure-là » grommela-t-il. « Où donc l'ai-je vu ? Je me fais vieux. »« Tu me rejoindras ce soir à Rennes, mon garçon !» s'écria Didier. « En route, maintenant, et bonne chance !» Jude ne se fit point répéter cet ordre, il piqua des deux et partit au galop. Quand il eut franchi la porte de la cour, le capitaine se détourna vers les deux valets de Vaunoy. « Vous êtes curieux, maître, » dit-il à Alain, « c'est un fâcheux défaut et qui ne porte point bonheur. Quant à toi, » ajouta-t-il en s'adressant à la pierre, « prends garde. » Il s'éloigna, les deux valets le suivirent des yeux. « Prends garde !» répéta ironiquement la pierre. « Que dites-vous de cela, maître Alain ?» Maître Alain répondit, « Le jeune coq chante haut, on dirait qu'il se sent de race. Pour ce qui est de prendre garde, c'est toujours un bon conseil. » Didier avait pris sans savoir la direction du jardin. Il se trouva bientôt au milieu des hautes charmilles taillées à pic et formant l'inévitable et classique labyrinthe des jardins du XVIIIe siècle. De temps en temps, quelques statues de marbre blanc s'apercevaient à travers les branches qui se ressentaient déjà des approches de l'hiver. Didier jetait sur tout cela un regard distrait. Involontairement, son esprit était revenu aux pensées qui avaient préoccupé son réveil. Comme il arrive souvent aux esprits vifs et poétiques, il lui suffit, pour ainsi dire, d'évoquer l'illusion pour qu'elle reparût. Ces grandes murailles de verdure devinrent pour lui de vieilles connaissances. Il se retrouva dans ses dédales et, quoique leur artifice fût assez innocent pour que la chose pût sembler naturelle, il crut ou tâcha de croire que le souvenir était pour lui le fil d'Ariane. « Voyons, » se disait-il d'un ton moitié enjoué, moitié sérieux, « voyons si je me trompe, si je me souviens ou si je divague. Ma mémoire ou mon imagination me dit qu'au bout de cette allée à droite, il y a un berceau, et dans un berceau une statue de nymphe antique. Voyons. » Il prit sa course impatient, car l'illusion avait grandi et il en était déjà à craindre une déception. À quelques pas de l'endroit où la charmille faisait un coude, il s'arrêta et glissa son regard à travers les branches. Il devint pâle, mit la main sur son cœur et laissa échapper un cri. Berceau et statue étaient là devant ses yeux. Seulement au cri qu'il poussa, la statue animée, nymphe, vêtue de blanc, tressaillit vivement et se retourna. Chapitre 19 Sous la charmille. L'illusion s'enfuit en bourbattant. Dans cette gageure qu'il avait engagée contre lui-même, Didier avait parié pour un berceau et une statue. Le berceau existait, mais ce qu'il venait de prendre pour une statue était une jeune fille en chair et en os, Mademoiselle Alix de Vaunoy de la Tremblay. La méprise du reste était fort excusable. Au moment où Didier l'avait aperçu, Mademoiselle de Vaunois lui tournait le dos. Elle était debout et immobile, au centre du berceau, lisant une lettre froissée et sans doute bien souvent relue. Ses beaux cheveux noirs avaient ce matin de la poudre et une robe de mousseline blanche formait toute sa toilette. Au cri poussé par Didier, elle se retourna, comme nous l'avons dit, et le papier qu'elle lisait s'échappa de sa main. Son premier mouvement fut de fuir, mais la réflexion la retint. Elle fit même un pas vers le coude de la charmille, où, suivant toute apparence, Didier allait se montrer. Elle avait reconnu sa voix. Mademoiselle de Vaunois avait sur son visage cette pâleur qui présage de décisives résolutions. Son regard, ordinairement hardi dans sa douceur, était triste, timide et grave. Didier s'avança vers elle d'un air embarrassé. Pour prendre contenance, il se baissa et releva la lettre qu'Alix avait laissée tomber. Cette lettre était de lui. Il la reconnut et son malaise augmenta. « C'est la lettre que vous crûtes devoir m'écrire pour m'annoncer votre départ, » dit Alix avec simplicité. « Je suis bien aise qu'elle soit tombée entre vos mains. Vous la garderez. » Didier demeura muet. Alix reprit. « J'ai été heureuse de vous revoir, car je me souvenais de vous comme d'un frère. » Didier l'avait appelée ma sœur dans son rêve, et bien souvent, il lui était arrivé de comparer le sentiment qu'il gardait pour elle à la tendresse d'un frère. Et pourtant, il demanda « Alix, dites-vous la vérité ?»« Je dis toujours la vérité, » répondit-elle. Elle eut un sourire grave et poursuivit « Parlons d'elle, je le veux. C'est une chère enfant, son regard est pur comme le regard d'un ange. Son âme est plus pure que son regard. »« De qui parlez-vous ? » balbutia Didier. « Oh ! » fit Mademoiselle de Vaunois, dont la voix devint plus sévère. « Vous n'avez rien à vous reprocher, je le sais. Mais ne niez pas, ce serait mal. Il y a une fraternité entre nous autres, jeunes filles de la forêt. Je suis noble et riche, elle est paysanne et pauvre. Mais, enfant, nous nous sommes rencontrés souvent dans les bruyères. Nous avons joué autrefois sous les grands chênes qui protègent Notre-Dame demi-forêt. Je l'avais apprivoisée, la petite sauvage. Depuis là, tandis qu'elle restait dans sa solitude, je faisais, moi, connaissance avec le monde. Tandis qu'elle courait libre sous le couvert, j'apprenais mes devoirs de fille noble. J'apprenais à porter le velours et la soie, à parler, à me taire, à sourire. Étrange destinée. Elle, dans sa solitude, moi, au milieu des somptueuses fêtes de reine, nous avons subi toutes deux le même sort. Dieu l'a destinée à l'homme que je croyais souhaiter pour mari. Vous ne le croyez plus, Alix ? Un jour, il y avait 2 mois que vous étiez parti, Didier. Je me promenais seule dans la forêt, songeant encore au fait de Monseigneur le comte de Toulouse, lorsque j'entendis une voix connue qui chantait sous le couvert la complainte d'Arthur de Bretagne. « Fleur des Genêts, » balbutia le capitaine. Alix sourit doucement. « Vous savez enfin de qui je parle, Didier, » dit-elle. Il y avait bien longtemps que je ne l'avais vue, que je la trouvais belle ce jour-là. Elle me reconnut tout de suite et vint à moi les bras ouverts, puis elle prit dans son panier de chèvrefeuilles un beau bouquet de primes verts qu'elle attacha à mon corsage, puis encore elle me parla de vous. « De moi ?» prononça involontairement Didier. « Elle ne vous nomma point, mais je vous reconnus. Je sentis quel était mon devoir. « Hélas, mademoiselle, s'écria Didier, je suis bien coupable peut-être. « Envers elle, oui, monsieur, si vous dites un mot de plus, car elle est votre fiancée. » Il y eut un moment de silence. Alix reprit. « Quand elle sera votre femme ?» Elle s'interrompit parce que le regard du jeune capitaine avait exprimé la surprise. « Elle sera votre femme, » poursuivit-elle cependant avec fermeté. « Vous le voulez, et vous le devez. Elle est bien pauvre, mais vous avez votre épée. » Et vous n'êtes point de ceux que leur naissance enchaîne à l'orgueil. » Didier se redressa. « Je ne suis pas gentilhomme, c'est vrai, » dit-il, « je le sais. Peut-être n'était-il pas besoin de me le rappeler. » Alix lui tendit la main cette fois et répliqua. « Excusez-moi, je plaide la cause de mon ami. Les capitaines n'aiment pas à être congédiés, même de cette façon noble et charmante. « Mademoiselle, » dit-il, « la cause de Marie n'avait peut-être pas besoin d'être plaidée. » « Mais voyons, puisque nous sommes le frère et la sœur, noble sœur et frère de roture, j'ai bien le droit d'interroger. »« Interroger ? Votre conduite a-t-elle pour cause la distance qui nous sépare ?»« Non. » »« Y aurait-il sous jeu un autre mariage ?»« Mon père veut en effet me marier. » Ah ah ! Mais celui qu'on me propose ne sera jamais mon mari. N'a-t-il pas un nom qui soit au niveau du vôtre ? Demanda Didier, non sans raillerie. C'est monsieur Béchamel, marquis de Nointel, intendant royal de l'impôt. Didier éclata de rire. Comme s'il y avait eu de l'écho sous la charmille, un autre rire épais et bruyant retentit à une vingtaine de pas derrière le feuillage. « Folle que je suis !» s'écria Alix. « Je ne vous ai pas dit le principal. Il n'est plus temps, ce sont eux. À bientôt, nous nous reverrons encore une fois. » Elle s'enfuit précipitamment, laissant le capitaine étourdi de cette disparition subite. L'éclat de rire se répéta sous la charmille. Un bruit de voix s'y joignit, et bientôt, au tournant de l'allée, débouchèrent messieurs de Vaunoy et Béchamel. Chapitre 20. Avant et après le déjeuner. Vaunoy, l'intendant royal, semblait de fort heureuse humeur. Ils marchèrent avec empressement vers Didier, qui avait peine à se remettre et gardait une contenance embarrassée. « Nous arrivons ici, mon cher hôte, » dit Vaunoy, « guidé par vos éclats de rire. La promenade solitaire vous rend-elle donc si joyeux ?» « Ai-je ri ?» demanda machinalement Didier. « Oui, Saint-Dieu, vous avez ri. »« Le fait est que vous avez ri, » dit Béchamel. « J'ai l'honneur de vous présenter le bonjour. »« Je ne me souviens pas, » commença Didier. « Eh !» dit Vaunoy, avisant le papier que celui-ci tenait encore à la main. « C'est sans doute cette lettre qui causait votre hilarité matinale. »« Je ne serais pas éloigné de le croire, » appuya Béchamel. « Veuillez me donner, je vous prie, des nouvelles de votre santé. » Didier froissa la lettre, puis la déchira en tout petits morceaux. Cela fait, il salua l'intendant royal et lui répondit par quelques banales politesses. Monsieur de Béchamel avait complètement mis bas ses fâcheuses dispositions de la veille. Vaunoy venait de lui faire entendre qu'il n'avait rien à craindre d'un semblable rival et que la main d'Alix lui était assurée. Aussi se sentit-il porté vers Didier d'une bienveillance inaccoutumée. Quant à Vaunoy, il n'avait point dépouillé son masque de bonhomie. On eût dit en vérité un brave oncle abordant son neveu chéri. « Messieurs, dit le capitaine, dont la froideur contrastait fort avec la cordialité de ses hôtes, vous plairait-il que nous parlions maintenant de ce qui concerne le service de Sa Majesté ?»« Assurément, répondit Vaunoy. » Et Béchamel répéta « Assurément. Pourtant, ajouta-t-il après réflexion, « je pense, sauf avis meilleur, qu'il serait convenable de déjeuner d'abord. »« Fi, monsieur de Béchamel !» dit Vaunoy en souriant. « Mettez, monsieur mon ami, que je n'ai point parlé. Je préfère évidemment le service du roi au déjeuner et même au dîner. Mais ceci n'empêche point qu'un déjeuner refroidi soit une triste chose. Nous vous écoutons, monsieur le capitaine. » Didier tira de son portefeuille un parchemin sur lequel Vaunoy jeta les yeux pour la forme. Béchamel, en lisant le Saint Royal, crut devoir ôter son feutre et prier Dieu qu'il bénisse Sa Majesté. Sur la proposition de Son Altesse Royale, Monseigneur le comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, dit le capitaine, le roi m'a conféré mission d'escorter les fonds provenant de l'impôt à travers cette contrée qui passe pour dangereuse. Et qu'il est ? Interrompit Vaunoy. « Qu'il est énormément !» ajouta Béchamel. « Le roi m'a chargé en outre, » reprit Didier, « de veiller à la perception des tailles, et son Altesse Sérénissime m'a donné mission particulière de poursuivre et détruire, par tout moyen, cette poignée de rebelles qui porte le nom de loup. »« Que Dieu vous aide !» dit Vaunoy. « C'est là, mon jeune ami, une noble mission. »« Une mission que je ne vous envie en aucune façon, mon jeune maître. » pensa tout bas Béchamel. « Dieu vous assiste » prononça-t-il à haute voix. « Je vous rends grâce, messieurs. Dieu protège la France et son aide ne nous manquera point. Je pense que la vôtre ne me fera pas défaut davantage. » À cette question faite d'un ton de brusque franchise, Vaunoy répondit par un mouvement de tête accompagné d'un diplomatique sourire. Béchamel, malgré sa bonne envie, ne put imiter que le mouvement. Ce gastronome n'était point diplomate. Didier insista. « Je puis compter sur votre aide » demanda-t-il une seconde fois. Vaunoy répondit « À plus d'un titre, mon jeune ami, pour vous-même et pour Sa Majesté. »« Je m'en réfère aux paroles de monsieur de Vaunoy, » dit Béchamel. « Merci, messieurs. Je n'attendais pas moins de deux loyaux sujets du roi. je fais grand fonds sur votre secours, et vous préviens à l'avance que je ne ménagerai pas votre bonne volonté. Veuillez me prêter attention. » Béchamel tira sa montre et constata avec douleur que l'heure normale du déjeuner était passée depuis 10 minutes. Il poussa un profond soupir, n'osant pas manifester plus clairement son chagrin. « Je ne suis point arrivé jusqu'ici, reprit Didier, sans avoir arrêté mon plan de campagne. Toutes mes mesures sont prises. La maréchaussée de Rennes est prévenue. Celle de Laval marche sur la Bretagne à l'heure où je vous parle. Les sergenteries de Vitré, de Fougères et de Louvigné du désert me seconderont au besoin. À la bonne heure, s'écria Béchamel, tout cela formera une armée respectable. 300 hommes environ, monsieur. Ce n'est pas assez, dit Vaunois. Les loups sont en nombre quadruple. Béchamel modéra sa joie. J'avais cru qu'ils étaient plus nombreux que cela, répartit froidement le capitaine. Nous serons 1 contre 4. C'est beaucoup. Je ne saisis pas bien, dit Béchamel. C'est beaucoup, répéta Didier, parce que nous aurons de notre côté tous les avantages. Vous ne pensez pas, je suppose, que je veuille les attaquer à la fosse aux loups. Ne vous étonnez point, monsieur de Vaunois, si je sais le nom de leur retraite. Grâce à des circonstances que je ne juge point à propos de vous détailler ici, je connais la forêt de Rennes comme si j'y étais né. À ce dernier mot, Hervé de Vaunois tressaillit violemment et devint si pâle que Béchamel crut devoir le soutenir dans ses bras. « Qu'avez-vous, monsieur mon ami ? » demanda l'intendant. « Rien, je n'ai rien, » balbutia Vaunois. « Si fait. Je parie que c'est le besoin de prendre quelque chose qui vous travaille. » Et par le fait, l'heure du déjeuner est passée depuis 35 minutes et 1 fraction. Vaunois, par un brusque effort, s'était remis tant bien que mal. Il repoussa Béchamel. « Capitaine, dit-il, je vous prie de m'excuser. Un éblouissement subit. Je suis sujet à cette infirmité. Vous plairait-il de poursuivre ?»« Dans votre intérêt, monsieur mon ami, insista héroïquement Béchamel, je vous engage à prendre quelque chose. » « Nous vous ferons raison, le capitaine et moi. » Vaunois fit un geste d'impatience et Béchamel reconnut avec découragement que le déjeuner était désormais indéfiniment retardé. « Je vous disais, reprit Didier, qui n'avait prêté à cette scène qu'une attention médiocre, je vous disais que la forêt est pour moi pays de connaissance. Je sais que la position des loups est inexpugnable. » Et ne prétend point courir les chances d'une attaque au moins tant que les deniers de Sa Majesté ne seront point à couvert. Il me faut à moi aussi des positions dans la forêt, et je vous demande à vous, monsieur de Vaunois, votre château de la Tremblay, à vous, monsieur l'intendant royal, votre maison de plaisance de la Cour Rose. « Ma folie ! » s'écria Béchamel. « Et qu'en prétendez-vous faire, monsieur ? » ?»« Je ne sais, peut-être une place d'armes. » « Mais il y a des tapis dans toutes les chambres, monsieur. Il y en a pour 20 000 écus. »« Fi, monsieur de Béchamel, fi !» voulut interrompre Vaunois. Cette fois, le financier se montra rétif. « Il y a, continua-t-il, des meubles sculptés, incrustés, dorés. Il y en a pour 30 000 écus, monsieur. »« Fi, monsieur de Béchamel, fi !» répéta Vaunois. « Il y a des porcelaines du Japon, de la faïence d'Italie, des grès de Suisse, des cristaux de Suède. La batterie de cuisine seule vaut 14 500 livres, monsieur. Et vous voulez mettre tout cela au pillage? Vos soldats dévaliseraient mon garde-manger. Ils boiraient ma cave qui est la plus riche de France et de Navarre. Ils écailleraient mes mosaïques, crèveraient mes tableaux, briseraient mes cristaux, que sais-je? Une place d'armes, morbleu, monsieur! Pensez-vous que j'ai fait bâtir ma folie pour héberger vos soudards? « Fi, monsieur de Béchamel !» répéta Vaunois pour la 3e fois. « Saint Dieu, fi, vous dis-je !» Le financier s'arrêta essoufflé. Didier regarda l'interruption comme non avenue et reprit avec le plus grand calme. « Peut-être une place d'armes. En tout cas, je puis vous faire promesse, messieurs, de vous prévenir 2 heures à l'avance. »« Cela suffira, » dit Vaunois, qui semblait résolu à tout approuver. « Monsieur mon ami, s'écria Béchamel exaspéré, je ne vous comprends pas. Savez-vous que je ne donnerai pas ma petite maison pour 100 000 pistoles ?» Vaunois lui serra fortement la main. C'était là un signe que les intelligences, même les plus épaisses, comprennent par tout pays. Le financier se tut instinctivement. « Je pense, mon cher hôte, demanda Vaunois du ton de la plus cordiale courtoisie, que ces mesures dont vous parlez forment la dernière partie de votre plan. Avant de vous fortifier, vous vous occuperez sans doute de convoyer les espèces qui vous attendent à Rennes, car on dit que la cassette du roi est vide ou peu s'en faut. Tel est en effet mon projet, monsieur. Donc, en attendant que la Tremblay devienne place d'armes, nous en ferons, s'il vous plaît, une auberge, où reposera l'escorte de l'impôt. L'impôt, répondit le capitaine, reste sous la garantie et responsabilité de monsieur l'intendant royal tant qu'il n'a point franchi les frontières de la Bretagne. C'est donc à monsieur l'intendant de faire choix du lieu où l'escorte passera la nuit. Une expression de singulière inquiétude se répandit sur le visage du maître de la Tremblay. Il fallait que cette inquiétude fût bien puissante pour que Vaunois, habitué comme il l'était à dompter souverainement sa physionomie, n'en pût réprimer les symptômes. Didier et l'intendant la remarquèrent. Le premier n'y fit pas grande attention. Il croyait connaître Vaunois qu'il méprisait sans le soupçonner de trahison. Sa hautaine insouciance ne daigna point se préoccuper de ce mince incident. Quant à Béchamel, il interpréta à sa manière l'angoisse évidente du maître de la Tremblay. Il pensa que Vaunois, voyant que le choix de la halte restait entre ses mains à lui, Béchamel, redoutait sa décision pour l'office et les provisions du château. « Monsieur mon ami, dit-il en conséquence, je dois vous prévenir tout d'abord que les frais de convoi me regardent. » Vaunois pâlit et fronça le sourcil. « Je paierai tout, poursuivit l'intendant. L'hospitalité est pour moi un devoir. Vous prétendez donc recevoir les gens du roi dans votre maison de la Cour Rose ? Demanda Vaunois, dont l'anxiété augmentait visiblement. « Non pas, monsieur mon ami, non pas !» s'écria vivement Béchamel. Vaunois respira longuement. Ses couleurs vermeilles reparurent aux rondes pommettes de ses joues. Ce mouvement fut tellement irrésistible et marqué que Didier ne put s'empêcher d'y prendre garde. Ce fut au reste l'affaire d'un instant, et à mesure que le calme revenait sur le visage de Vaunois, les doutes du jeune capitaine se dissipaient. Mais, pour un spectateur attentif et désintéressé de cette scène, il eût été évident qu'un hardi dessein venait de surgir dans le cerveau de Vaunois, dessein que favorisait grandement l'option de M. Béchamel désignant la Tremblay pour lieu de repos à l'escorte des gens du roi. Béchamel, qui était à 100 lieues de penser que sa décision pût faire plaisir à Hervé de Vaunois, prit à tâche de l'excuser et de la motiver, ce qu'il fit à sa manière. « Je vous répète, monsieur mon ami, dit-il, que vous n'aurez rien, absolument rien à débourser. »« Laissons cela, interrompit Vaunois. Permettez, je suis, vous me faites, j'espère, l'honneur d'en être persuadé, un sujet fidèle et dévoué de sa majesté. Ma pauvre maison est forte à son service, depuis les fondements jusqu'au comble, y compris, bien entendu, les étages intermédiaires, mais il s'agit de 500 000 livres tournois. »« 500 000 livres tournois ? » répéta lentement le maître de la Tremblay. Tout autant, monsieur mon ami, il y a même quelques écus de plus. Si cette somme était enlevée, mon aisance, qui est honnête, serait terriblement réduite. Or, suivez bien, ma folie de la Cour Rose n'est point propre à soutenir un siège, et si les loups... Vaunois haussa les épaules avec affectation. Monsieur l'intendant a raison, dit le capitaine qui, depuis 10 minutes, ne portait plus à la discussion qu'une attention fort médiocre. Permettez, dit encore Béchamel, répondant au geste de Vaunois, je serais mortifié que vous puissiez croire. Allons déjeuner, interrompit en souriant le maître de la Tremblay. Le coup était d'un effet sûr. Il porta, Béchamel remua convulsivement les mâchoires, comme s'il eût voulu parfaire son explication. Mais il ne put que répéter ces mots qui éveillaient les plus tendres échos de son cœur. « Allons déjeuner !» Vaunois s'appuya familièrement sur le bras de Didier. Béchamel, les narines gonflées et saisissant au vol parmi les effluves épandues dans l'air toutes celles qui venaient de l'office, ouvrit la marche. En chemin, il fut décidé que le convoi d'argent partirait de Rennes le lendemain. De la ville au château, l'étape était courte, mais les routes de Bretagne, en l'an 1740, étaient tracées de manière à quadrupler la distance. Béchamel, malgré la proéminence notable de son abdomen, monta le perron en 3 sauts. Une minute après, il nouait sa serviette autour de ses mentons et dégustait savamment un salmi d'aileron de bécasse qu'il déclara sans pareil et fêta en conscience. Hervé de Vaunoy ne resta point oisif durant cette matinée. Le déjeuner était à peine fini et M. de Béchamel venait de s'étendre sur un lit de jour pour se livrer à cet important devoir que les gourmets ne doivent négliger jamais, la sieste, lorsque M. de Vaunoy, quittant Didier sous un prétexte d'autant plus facile à trouver que le jeune capitaine ne tenait point extraordinairement à sa compagnie, se dirigea d'un air soucieux et affairé vers son appartement. « Qu'on m'envoie sur le champ Lapierre et Maître Alain, » dit-il à un valet qu'il rencontra sur son chemin. Le valet se hâta d'obéir et Vaunoy poursuivit sa route. Mais, ayant jeté par hasard un regard distrait à travers les carreaux de l'une des croisées du corridor, il aperçut Alix qui, rêveuse et la tête penchée, suivait à pas lents l'allée principale du jardin. « Toujours triste, » se dit Vaunoy, d'un ton où perçait un atome de sensibilité. « Pauvre fille. Mais, après tout, elle n'est pas raisonnable. Béchamel serait la perle des maris. » Il allait passer outre, lorsque, dans une autre allée dont la direction formait angle avec celle de la première, il vit le capitaine Didier, lequel, par impossible, semblait rêver aussi. Vaunoy fit un geste de mauvaise humeur. « Elle était sur le point de l'oublier, » murmura-t-il. « Je m'y connais. » Et le voilà revenu. Sa seule approche déjoue fatalement tous mes plans. Et puis, si quelqu'un de ces hasards que nulle précaution ne peut déjouer allait lui apprendre... Vaunoy s'interrompit. Comme nous l'avons dit, les deux allées que suivaient Alix et Didier se croisaient. Chaque pas fait par les deux jeunes gens les rapprochait. Ils allaient se rencontrer dans quelques secondes. « Eh, qu'a-t-il besoin de savoir ?» reprit Vaunoy avec emportement. « Son étoile le pousse à me nuire. Qu'il sache ou non, il me perdra si je ne le perds. » Alix et Didier arrivaient en même temps au point de convergence des allées. Au moment où ils allaient se trouver face à face, Vaunoy porta son sifflet de chasse à ses lèvres. Le bruit fit lever la tête aux deux jeunes gens. Alix tourna du côté du château et dut obéir au geste d'appel que lui envoya son père. Didier salua et poursuivit sa route. « C'est comme un fait exprès, » pensa Vaunoy. « Saint Dieu, j'ai manqué mon coup deux fois déjà. Ils ont dit que le nombre 3 porte bonheur. » Il entra dans son appartement où ne tardèrent pas à le joindre ses deux féaux serviteurs, Alain et Lapierre. Presque au même instant, Alix entr'ouvrit la porte. « Vous m'avez appelé, mon père, » dit-elle. Vaunoy, qui ouvrait la bouche pour donner des ordres à ses deux acolytes, hésita quelque peu et fut sur le point de renvoyer sa fille. Mais il se ravisa. « Restez ici, » dit-il au valet. « J'aurai besoin de vous dans un instant. » Puis il passa le bras d'Alix sous le sien et l'entraîna doucement dans la galerie. Maître Alain et Lapierre demeurèrent seuls. Le premier, dont l'intelligence avait considérablement fléchi sous le poids de l'âge et aussi par l'effet de l'ivrognerie, tira de sa poche son flacon carré de fer blanc et but une ample rasade d'eau-de-vie. « En veux-tu » demanda-t-il à Lapierre. « Il y a temps pour tout, » répondit l'ex-saltimbanque. « Je ne bois jamais quand je dois causer avec monsieur. Moi, je bois double. Et tu vois de même. Hier, tu n'as pas seulement pu reconnaître ce drôle de valet. « Je me fais vieux, » dit Alain, en buvant une seconde gorgée. « Le fait est que ma pauvre mémoire s'en va. Mais si je le vois encore une fois, je le reconnaîtrai peut-être. Et s'il ne revient pas ?» Alain, au lieu de répondre, but une troisième rasade et s'arrangea pour dormir en attendant son maître. Lapierre haussa les épaules, et pour ne point perdre son temps, il fit le tour de la chambre, donnant généreusement l'hospitalité dans les vastes poches de son pourpoint à toutes les pièces de monnaie égarées qu'il trouva sur les meubles. Les tiroirs étaient fermés. Quand il eut achevé sa tournée, il s'accouda sur l'appui de la fenêtre. Au loin, dans le jardin, il aperçut Didier qui continuait solitairement sa promenade. Lapierre se prit à réfléchir. « Peuh ! » dit-il enfin, en enflant ses joues. « Je croyais le détester davantage. C'est un joli garçon. Vaunoy paie mal et demande beaucoup. Eh eh ! Il faudra voir. « En veux-tu ? » grommela Maître Alain qui trinquait en rêve. Lapierre laissa tomber sur le vieillard un long regard de mépris. « Voici ce qu'on devient au service de Vaunoy, » dit-il ensuite. « Jamais de tiroirs ouverts, quelques pièces d'or pour beaucoup de travail. C'est pitoyable de se damner ainsi au rabais. Il faudra voir. » Fin de la section 12.